بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 53 dans l'explication du livre de Umdatul Ahkam. Le livre de Umdatul Ahkam est l'explication de ce livre de Cheikh Abdullah Al-Bassam. Et c'est le chapitre dans lequel on est arrivé maintenant, c'était à propos de Sujud al-Sahw. Sujud al-Sahw, et on est maintenant en train d'expliquer le deuxième hadith dans ce chapitre, qui est le hadith numéro 102, hadith al-Thani ba'd al-Mi'a. Et le hadith, il est rapporté, il dit, le cheikh, c'est Abdelaziz, juste pour vérifier, j'ai oublié, subhanallah, l'imam, le Maqdisi, naam, Abdul Ghani, ibn al-Hafidh, l'imam, Abdul Ghani, ibn Abdul Wahid, al-Maqdisi. Donc il dit, an Abdullah ibn Buhayna. عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه البخاري ومسلم. Donc le hadith est rapporté selon Abdullah ibn Buhayna, et le hadith il dit le cheikh c'était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Buhayna. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié avec eux, avait dirigé la prière de Dhuhr avec eux. Et il s'est levé après les deux premières rak'at. Il s'est levé après les deux premières rak'at et il ne s'est pas assis. Wa fi riwayati Muslim bil fa fa lam yajlis. Istadalla biha Iyad ala annahu lam yarji' ila al-julus ba'd at-tanbih lahu. Naam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec eux le dhuhr. Puis il s'est levé après les deux premières rak'at et il ne s'est pas assis, c'est-à-dire il n'a pas fait tashahhud. Faqama an-nasu ma'ahu. Et les gens se sont levés avec lui. Hatta idha qada as-salat wa intadhara an-nasu taslimahu. Jusqu'à ce qu'il termine sa prière et les gens ont attendu qu'il fasse le taslim. Kabbara wa huwa jalis. Il a fait le takbir alors qu'il était assis. Et il s'est prosterné deux prosternations avant de faire le taslim, puis ensuite il a fait le taslim. Et dans la narration de Muslim, lorsqu'il dit « Walam yajlis », la narration de Muslim, elle rajoute, il y a un « fa » qui est rajouté. Au lieu de « Walam yajlis », c'est « Falam yajlis ». Et certains ulama ont utilisé justement cette variante pour mentionner ou pour dire que, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, quelqu'un lui avait indiqué qu'il n'avait pas fait le tashahhud, mais il a continué quand même, il s'est levé quand même. Ok, donc on va maintenant expliquer le sens général de ce hadith. Al-ma'na al-ijmali. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر فلما صلى الركعتين الأوليين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الأول فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم. Donc ici, il explique l'imam, yani le cheikh Al-Bassam, il dit que le prophète sallallahu sallam, il a fait la prière avec ses compagnons, la prière de Dhuhr. Et on sait que la prière de Dhuhr, elle a combien de rak'at? Elle a 4 rak'at. Et lorsqu'il a terminé les deux premières rak'at, il s'est levé immédiatement. C'est-à-dire que il ne s'est pas assis pour faire son tashahhud, le premier tashahhud. Et donc, il s'est levé directement, alors qu'il devait en principe s'asseoir pour faire son tashahhud. Il ne l'a pas fait. Et il s'est levé, alors les autres, les musulmans qui étaient derrière lui, les sahaba, se sont levés avec lui et ils l'ont suivi. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ses deux dernières rak'at. Et arrivé au moment pour faire le dernier tashahhud, il a terminé son tashahhud. Et les gens attendaient pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le taslim. Mais il n'a pas fait le taslim. Il a fait le takbir, Allahu Akbar, et il s'est prosterné encore. Il a fait deux prosternations avant de faire le taslim. Et il a fait deux prosternations avant le taslim, comme il fait la prosternation durant la salat. Puis ensuite, il a fait le taslim. Donc ça, c'est la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on doit réparer la prière lorsqu'on a oublié de faire le premier tashahhud. D'accord? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, un imam, fait la prière, s'il a oublié de faire le premier tashahhud, les gens vont souvent lui dire « Subhanallah » Et parfois, il y a certains imams, ils ne savent pas la règle à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ont commencé à se lever, s'ils se sont déjà levés debout, ils se rassoient. Alors que la sunna à ce sujet, c'est de continuer la salat et de faire sujoud de sahou à la fin, avant le taslim. Et le cheikh Al-Bassam, il dit, parmi les points qu'on peut tirer par rapport à ce hadith-là, il a mentionné 7 points. Il dit ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول. Donc premièrement, l'obligation de faire la prosternation, yani lorsque quelqu'un a été distrait dans sa prière. Donc il fait après, à la fin de sa prière, il va faire yani la prosternation de la distraction pour celui qui s'est trompé dans sa prière. Et s'il avait par exemple oublié le premier tashahhud, eh bien à la fin de la salat, il va faire deux prosternations avant le taslim, après avoir fait le tashahhud, le deuxième tashahhud. Donc il dit ensuite, ثانيا أن التشهد الأول ليس بركن. ولو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو ويؤخذ بوجوبه من أدلة أخرى. Donc il dit, parmi les choses qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est que le premier tashahhud n'est pas un pilier dans la salat. Parce que si c'était un pilier dans la salat, eh bien ça n'aurait pas été suffisant pour réparer cette erreur-là ou ce manque-là de faire seulement sujoud sahou. Il aurait fallu, y faire une rak'at supplémentaire, ou bien corriger ça, ou bien refaire le tashahhud. Mais puisque c'était pas un pilier, puisque c'était pas un pilier dans la salat, eh bien ça peut être réparé simplement par une prosternation, la prosternation de la distraction. Et il dit que également on peut tirer parmi les d'autres preuves, il y a d'autres preuves qui indiquent que le premier tashahhud est obligatoire. Que le premier tashahhud est obligatoire. Thalithan, an-nata'addud as-sahwi yaktafi lahu sajdatan. Fa'inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam taraka huna al-julus wa at-tashahhud. Donc, le cheikh Al-Bassam, il dit ici, par rapport au point numéro 3, que si quelqu'un a fait plus qu'une erreur dans sa salat, il a eu plus qu'une seule distraction, il a eu plusieurs distractions dans la même salat, eh bien, il suffit pour lui de faire seulement deux soujouds seulement, deux prosternations. Il n'a pas besoin d'en faire plus, ou n'a pas besoin d'en faire deux prosternations pour chaque distraction qu'il a eue dans la prière. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ici non seulement le tashahhud, mais il avait laissé al-julus, le fait de s'asseoir. Et il n'a pas fait plusieurs sujouds de sahou. Il a fait seulement un seul sujoud de sahou qui consiste à faire deux sajdas seulement. Donc, ça, c'est une preuve à ce sujet-là. Rabi'an, ahammiyatu mutaba'ati l'imam, حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. Et donc le point numéro 4 que le cheikh il a mentionné ici, il explique que on peut tirer de ce hadith-là l'importance de suivre l'imam dans la prière. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé leur suivi. C'est-à-dire que le fait qu'eux-mêmes ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils n'avaient pas fait le julus, ils ne s'étaient pas assis, ils n'avaient pas fait le tashahhud. Il s'est levé directement et eux l'ont suivi. Et ont suivi son exemple, et ils n'ont pas fait le tashahhud eux aussi, ils ne se sont pas assis eux non plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas réprimandés d'avoir fait ça. Ou ne leur a pas reproché de l'avoir suivi dans ça. Alors on voit ici l'importance donc de suivre l'imam dans cela. Et l'imam An-Nasa'i et Ibn Khuzaymah et Al-Hakim ont rapporté une narration du hadith dans lequel il est dit que ils ont dit Subhanallah, fasabbahu bihi. Ils ont dit Subhanallah quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas assis et quand il s'est levé sans faire le tashahhud. Ils ont dit Subhanallah pour lui faire savoir qu'il a fait une erreur, mais il a continué sa salat jusqu'à ce qu'il termine. Et eux l'ont suivi. Donc ça indique l'importance de suivre l'imam. Le point numéro 5. خامسا أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لأنهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. Donc ici le cheikh il explique que يعني l'imam qui a eu une distraction, l'imam qui a eu une distraction dans sa prière, eh bien, sa distraction, elle compte aussi pour ceux qui suivent derrière lui. Elle est appliquée, disons, elle rejoint ou elle touche également ceux qui prient derrière cet imam. Eux aussi, considérés comme s'ils ont commis cette erreur-là, eux aussi. Parce que eux, ils ont laissé le tashahhud volontairement, contrairement à l'imam, lui, qui l'a laissé par erreur ou par oubli, ou par distraction. Et on sait très bien qu'en temps normal, n'importe qui ferait cette erreur-là de façon intentionnelle et volontaire, sa prière serait invalide. Sa prière serait invalide. Parce que de laisser quelque chose, volontairement dans la prière qui est obligatoire, ça invalide la prière. Mais ça, c'est la preuve que la personne qui fait quelque chose intentionnellement, elle n'est pas comparable à celui qui abandonne volontairement une obligation. Sauf dans cette situation-là où la personne qui suit l'imam, elle le suit dans son erreur volontairement parce qu'elle est derrière l'imam et elle a l'obligation donc de le suivre dans ça, même s'il a fait une erreur. Et elle doit donc le réparer comme l'imam l'a réparé, puisque يعني cette erreur-là les touche eux aussi. Le point numéro 6, أن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. Et le point numéro 6 qu'on peut tirer par rapport à ça, les gens, des fois, ils demandent la question, mais quand est-ce qu'on doit faire le sujoud de sahou? Est-ce que c'est avant le taslim? Est-ce que c'est après le taslim? Et donc ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le sujoud avant le taslim. Donc, le cheikh, il explique ici que le sujoud de sahou, dans ce genre de situation-là, doit être fait avant le taslim. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce genre de situation-là? Eh bien, les ulama, ils disent souvent, par exemple, si quelqu'un a enlevé ou oublié quelque chose dans la salat, hein, alors dans ce cas-là, il doit faire sujoud de sahou avant le taslim. Et s'il a rajouté quelque chose, alors il doit le faire après. Ou s'il a été dans le doute, eh bien, il doit le faire après. Wallahu ta'ala a'lam. Le point numéro 7, qui est le dernier point, أَنَّ السَّلَامَ يَلِي سَجْدَتَيْ السَّهُ فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهَا بِتَشَهُدٍ أَوْ دُعَاءٍ. Donc le point numéro 7 qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est que le taslim qu'on fait, le fait de, quand on termine la prière, qu'on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ça vient après la prosternation de distraction. Hein? Et il n'y a pas de séparation entre le taslim et les deux sujoud. On fait pas de dua ni de tashahud entre sujoud de sahou et le taslim. Donc ça, c'est les points qu'on peut tirer de ces hadiths-là. Et donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui par rapport à ça dans Umdatul Ahkam. C'est ce qui conclut le chapitre de sujoud de sahou. Et donc, au prochain cours, Inch'Allah, on commencera le 16e chapitre qui est Babul Murur Bayna Yaday il Musalli. C'est donc le chapitre qui parle de la sutra, ou bien l'interdiction de passer devant quelqu'un qui est en train de faire la salat. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته